compte à soi, auprès du feu comme chaque soir. Tu ne t'endormiras pas trop tard, demain il faut aller haut la voir. Tu reprendras tes bas de laine, finiras-tu avant que Noël s'amène, et qui de toutes ces figures blêmes tu rempliront par une terre. Respecte pas mamie, pas toi, ta vie trop courte, c'est des mots. Respecte pas mamie, c'est pas que marche les pieds sur un mot. Respecte pas mamie, pas toi, ta vie trop courte, c'est des mots. Oh mamie, je reviendrai te voir, l'été prochain, je viendrai m'asseoir. En ton jardin, regarde le miroir, tu les vaux bien. Je reviendrai te voir.